pris sur le vif. Écoutez. Quel temps avez-vous? Depuis que nous sommes arrivés, il fait un temps superbe. Vous avez de la chance. Ici, on ne peut pas en dire autant. Aussitôt que vous êtes parti, il a commencé à pleuvoir. C'est un vrai déluge. Si j'étais à votre place, je prendrais une semaine de vacances et vous viendriez nous rejoindre. Nous sommes seuls sur les pistes. Répétez. Quel temps avez-vous? Depuis que nous sommes arrivés, il fait un temps superbe. Vous avez de la chance. Ici, on ne peut pas en dire autant. Aussitôt que vous êtes parti, il a commencé à pleuvoir. C'est un vrai déluge. Si j'étais à votre place, je prendrais une semaine de vacances. Et vous viendriez nous rejoindre. Nous sommes seuls sur les pistes. Écoutez. On a l'air malin maintenant. Tu as vu le trou dans la porte? Oui, je l'ai vu. Tu n'avais pas besoin de t'enfermer dans ta chambre et je n'aurais pas donné un coup de genou pour l'ouvrir. On le dit tout de suite? On attend? Je te conseille d'aller le dire à maman avant que papa ne s'en aperçoive. Et que dirais-tu de faire comme si de rien n'était? Répétez. On a l'air malin maintenant. Tu as vu le trou dans la porte? Oui, je l'ai vu. Tu n'avais pas besoin de t'enfermer dans ta chambre. Et je n'aurais pas donné un coup de genou pour l'ouvrir. On le dit tout de suite? On attend? Je te conseille d'aller le dire à maman avant que papa ne s'en aperçoive. Et que dirais-tu de faire comme si de rien n'était ?